ata mokola moko pambaha nakoka kita kolinga yo wanzolela nasela kimingi bona na lemba kita kotuna tuna yo epai ya bato séparé souka souka surprise au salina yo souka passé à binana je regrette je suis touché par tout mon cœur car l'osso et la liberté pour que nayo passe à pamba na mon idée nayo ayo pe ma banzo mingi na monte maya mona keinanga na komona pona ndimi na keilanga eti na pepingo mawa mawa e mawa e mana ndimi koli mwa eti la bolingo deception ya somo pa joro salinga somo moyo soni osali die na komi kobanga motino salinga